Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéotop, aujourd'hui une jeune comédie française. Dans les années 70, Bruno Caprice a connu un succès éphémère avec « Quand tu t'en vas », son premier et unique 45 tours. Aujourd'hui, oublié, il gagne sa vie comme réceptionniste dans un grand hôtel parisien. Suite à une rupture sentimentale, Bruno a le blues, mais un coup de fil inattendu va changer le cours de sa vie. Bruno Caprice. Oui, c'est moi, enfin... pas loin. Bienvenue au Liban. Vous savez, ma femme, elle adore votre chanson. Quand tu t'en vas. Ça fait numéro 2 au hit parade pendant 8 semaines. 32, numéro 32 pendant une semaine. Quand tu t'en vas, c'est la douleur exquise. Ça va pas du tout, je peux pas continuer là. Vous m'avez entendu chanter, j'ai plus de voix, je chante faux. C'est vrai que vous avez eu une aventure avec ma mère quand vous êtes venue en 76? Je suis jamais venu ici chanter, c'est la première fois que je vais au Liban. Mais si. Mais non. Mais si. Mais non. Mais si. Je peux vous avouer quelque chose? Oui, bien sûr. Votre chanson, quand tu t'en vas? Oui, quand je m'en vais. Je ne la supporte pas. Ah, le problème c'est que j'en ai pas d'autre. Tu vas chanter cette fois, d'accord? Je me sens pas bien. Tu dois chanter, compris? Hein? Bonsoir, Bruno. Une chanson dans la tête. Une comédie sans prétention mais bien sympathique, réalisée par Annie Tamba avec l'excellent Patrick Chenet. Un DVD, France Télévisions Distribution.